Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays de Savoie, ici, on parle d'ici. Si vous venez nous rejoindre sur France Bleu Pays de Savoie, bienvenue dans quelques instants. Un classique avec Grover Washington Jr. en compagnie de Bill Withers. Mais pour tout de suite, on retrouve Ça se passe ici avec Laurent Pascal. Et aujourd'hui, direction Annecy. Ça se passe ici, on va parler de musique ce matin avec les Chœurs de France qui sont en concert donc ce samedi 21 octobre à l'Arcadium d'Annecy. Il y aura deux représentations. Le thème, ça s'appelle Musical, une vie de comédie musicale. Donc deux représentations à 16h et 20h30. La présidente Rhône-Alpes des Chœurs de France, Anne-Marie Chavot, est avec nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Laurent. Les Chœurs de France, c'est vrai, cette particularité, hein, vous avez plusieurs antennes réparties sur l'ensemble du territoire. Tout à fait, on a 7 chœurs régionaux qui sont répartis sur tout le territoire, comme vous dites. Donc, on commence par le nord, on a Amiens, Paris. Sur l'ouest, on a Angers, donc qui est le chœur Pays de Loire. Le chœur atlantique à Bordeaux, le chœur méditerranée à Istres. Le chœur Bourgogne à Dijon et nous-mêmes, où nous répétons à Annecy. Bon, si on fait le compte au total sur toute la France, ça fait quoi, plus de 1000 choristes ? 1200 choristes à peu près. Donc on comprend qu'effectivement, pour un côté logistique, pour les déplacements, c'est peut-être plus simple de localiser une antenne régionale, comme pour ce concert d'Annecy à l'Arcadium. Exactement. Et par contre, on a exactement les mêmes chefs de chœur pour toutes les antennes, ainsi que nos musiciens. Bon, revenons à Musical, une vie de comédie musicale, un spectacle riche, assez vaste aussi, il a fallu faire des choix et surtout de bien clarifier la popularité des comédies musicales que vous interprétez. Et on est parti donc de Greatest Showman, les medley opérettes, Starmania, Mamma Mia, Singing in the Rain, Le Roi Lion, Les Misérables. Il y a un panel énorme de comédies musicales, donc le choix n'a pas été évident pour nous. Là, vous êtes combien là sur scène là pour l'Arcadium samedi ? Alors, à l'Arcadium samedi, on sera 190 sur scène. 190 choristes. Puisqu'on parle de comédie musicale, forcément, il y a toute une mise en scène, il y a des décors aussi ? Alors, il y a une scénographie, exactement. Il y a de la mise en scène pratiquement sur tous les morceaux. Et surtout, on est accompagné par une troupe de danseurs de cadence et qui sont géniaux. Alors, on rappelle que ce spectacle, il a lieu deux fois, ce samedi à l'Arcadium. Avant, on aurait dit en matinée à 16h. J'ai jamais compris pourquoi on disait en matinée à 16h, mais enfin, c'est ainsi. Et puis, seconde représentation à 20h30. Il y a encore des places ? Alors, à 16h, il reste quelques places, pas beaucoup. Et à 20h30 également, il en reste, il doit nous rester une cinquantaine de places à vendre, donc il faut faire vite, vite, vite. Si vous êtes amoureux des comédies musicales, vous allez vous régaler ce samedi. Musical, une vie de comédie musicale avec les Chœurs de France Rhône-Alpes. La présidente, c'est Anne-Marie Chavot qui était avec nous aujourd'hui. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup Laurent, et on vous attend tous ce samedi. Il se passe toujours quelque chose dans les Savoies. Il se passe toujours quelque chose dans le 16-18. France, le pays de Savoie. Pays de Savoie. Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us.

Savoie. Tu m'enribanes et m'embrionnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Silence et quand j'entends toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Là, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, entendre le silence et quand j'entends toi. Et dis donc, il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure. Le coucou suisse, Jean-Michel Mattei. Parce que ils sont bien gentils, nos voisins suisses, avec leur nom de bleu, leur banque et leur gruyère. Il faudrait pas non plus qu'ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines, hein. Alors tous les vendredis, je vous raconte ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et vous allez voir, on va bien rigoler. Le coucou suisse de Jean-Michel Mattei, chaque vendredi à 8h40 sur France Bleu Pays de Savoie. À vendredi, Harvey. Quatre coins des Savoies, on se bouge. Bouge. Le 16-18, France Bleu Pays de Savoie. Sur France Bleu Pays de Savoie, dans quelques instants, côté musique, on aura entre autres le groupe Eurythmics et Miley Cyrus. Mais pour tout de suite, c'est la chronique Décibel avec Imini Mazoyer. Et au programme de ce mercredi, eh bien, entre autres, Le Soldat Rose, John Williams et Calogero. Bonjour Émilie. Salut tout le monde. Émilie au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça. La

did you cry, but then remembered I. La vieille ville d'Annecy au Semnoz, d'Albertville au cœur du Beaufortin. France Bleu en Savoie et Haute-Savoie, c'est votre radio 100% locale. Yeah.

Plan sorti. Votre fin d'après-midi, c'est sur France Bleu Pays de Savoie. France Bleu Pays de Savoie. France Bleu. On se capte plus ? Allez, oubliez votre vieux poste FM. France Bleu Pays de Savoie est désormais diffusée en DAB+. DAB+, la radio numérique. À la maison ou en voiture, sur tous les récepteurs équipés DAB+, écoutez France Bleu en son numérique, gratuitement et sans connexion Internet. Profitez en plus de l'affichage sur votre écran des pochettes de disques et des sujets des émissions. France Bleu Pays de Savoie en DAB+, connecté à votre région. Il faut bouger les Savoies. Ils sont dans le 16-18 France Bleu Pays de Savoie. 17h15 sur France Bleu Pays de Savoie. C'est le moment de nous appeler tout de suite au 0806 00 10 10. On vous offre vos places pour le nouveau spectacle de Jean-Michel Mattei qui s'intitule « Un petit goût de reviens-y ». C'est ce 20 octobre, précisément à la salle polyvalente de Vougy. Si vous souhaitez gagner vos places, il faut être rapide. Hein. Il faut vite nous appeler 0806 00 10 10. Bonne chance à vous. Et puis en attendant, côté musique, on a Nuit Incolore qui arrive. Et tout de suite, c'est Sandra avec Maria Magdalena.

começar primeiro o índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelo. Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Venez célébrer les 10 ans du fascinant week-end en Auvergne-Rhône-Alpes du 19 au 22 octobre. Profitez de 200 activités sportives insolites, festives et gastronomiques proposées par 12 destinations viticoles. Entre vignes et coteaux, paysages et villages emblématiques, découvrez la richesse de nos vignobles du Beaujolais à la vallée du Rhône en passant par le Forez rouennais, les vignobles d'Auvergne, le Bugey et la Savoie. Programme complet sur fascinant-weekend.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, Pays de Savoie, ici, on parle d'ici. L'invité de ce mercredi à 17h30 sur France Bleu, Pays de Savoie, c'est Gaëlle Ray. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Frédéric. Bienvenue sur France Bleu, Pays de Savoie. Vous allez donc vous produire avec votre compagnie ce samedi 21 octobre au Théâtre Charles Dullin à Chambéry pour un spectacle qui s'intitule « Mourir d'aimer, les amants maudits » de mai 68. On va y revenir dans quelques instants. On va peut-être déjà présenter votre compagnie à cœur ouvert, Gaëlle. Oui, alors notre troupe fête ses 15 ans d'existence. Nous sommes une troupe chambérienne et nous avons toujours eu à cœur de présenter des spectacles musicaux, sauf que cette fois, on a à présenter un spectacle totalement original, création originale, 32 chansons écrites et composées par Grégory Faustier, avec 40 artistes sur scène, chanteurs, comédiens, danseurs et musiciens live pour ce spectacle de samedi. Ah oui, 40 artistes quand même pour Mourir d'aimer les amants maudits de mai 68. Vraiment une création originale donc de votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même sur le spectacle que vous proposez samedi, sans trop en dire quand même, hein, Gaëlle ? Oui, alors cette comédie musicale est librement inspirée d'une histoire vraie. Mmh. Hein, c'est un véritable hymne à la liberté de penser, à la liberté d'aimer. On se retrouve avec nos deux protagonistes que sont Emma et Pierre. Emma est une jeune professeure de français de 30 ans qui prend son premier poste dans le lycée Nord de Marseille. Dans une classe, elle a soif de faire connaître à ses élèves ces grands auteurs qu'elle a étudiés elle-même. Elle est passionnée par son métier et passionnée par cette envie de transmettre à ses élèves. Et puis c'est que dans son groupe d'élèves, et ben il y en a un qui va un petit peu se démarquer, qui est Pierre, qui est très mature, qui a déjà ses propres idées et qui est subjugué par sa professeure, et va naître entre eux une histoire d'amour passionnée. Mais Pierre a 17 ans.

pour des sanctions disciplinaires au cas par cas. Ceux qui ont commis les incidents les plus graves seront immédiatement exclus, exige le ministère de l'Éducation nationale, comme cet élève qui a menacé de mettre une bombe. Deux autres se sont réjouis qu'un prof soit mort. Deux autres, enfin, ont simulé des tirs d'armes à feu, des faits qui relève de l'apologie du terrorisme, un délit puni de 2 ans et demi de prison pour les mineurs. La peine peut cependant être limitée à du sursis avec travaux d'intérêt général ou stage de réparation si l'élève exprime des regrets. Une précision signée Pierre Emparent pour France Bleu. Paris a rapatrié 3500 Français d'Israël, annonce Elisabeth Borne aujourd'hui. La Première Ministre a également donné un nouveau bilan des victimes françaises après l'attaque terroriste menée par le Hamas. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus et plusieurs probablement sont toujours en otage dans la bande de Gaza. Israéliens et Palestiniens qui aujourd'hui se rejettent la faute après l'explosion d'un hôpital de Gaza qui a fait au moins 200 morts selon les autorités palestiniennes. Le territoire palestinien où la situation se dégrade de jour en jour. Nabila Kilani, 40 ans, a dû quitter sa maison menacée par des bombardements pour trouver refuge chez sa sœur ailleurs à Gazaville. Les bombardements, ils sont partout. On n'est pas avertis. Alors, on prend nos mesures de sécurité selon ce qu'on peut et selon ce qu'on ressent. Là, on parle de bombardement et depuis plus d'une semaine, on manque les bases d'une vie quotidienne normale. On n'a pas de l'eau potable, et c'est à peine qu'on en trouve. On a le reste de notre réserve au niveau d'alimentation. On a peut-être 3-4 jours au maximum. Et en plus, depuis 5 jours, on n'a même pas vu une heure d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires qui entrent. Là, on est vraiment devant une crise et catastrophe humaine à cause de cette attaque israélienne. Israël annonce aujourd'hui qu'il autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Saisi après l'interdiction des rassemblements pro-palestiniens décrétés par Gérald Darmanin, le Conseil d'État donne tort au ministre de l'Intérieur. La juridiction rappelle qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas le risque de troubles à l'ordre public. Les enfants risquent-ils plus de leucémie quand ils vivent près des vignes? Pour la première fois, une étude de l'INSERM montre qu'il existe un lien entre leucémie pédiatrique et le fait d'habiter donc à proximité de parcelles viticoles traitées aux pesticides. Et plus la surface est étendue, plus le risque progresse, comme ici en Alsace, Olivier Vogel. Ce n'est pas tant la proximité de vignes à moins d'un kilomètre des habitations que leur densité qui pose problème en matière de cancer pédiatrique, car cette étude de l'INSERM a pu mettre en évidence que le risque de développer une leucémie lymphoblastique, la plus répandue des leucémies, augmente de près de 10% à chaque fois que la surface des vignes progresse de 10%, toujours dans un rayon de moins d'un kilomètre. Quels sont les vignobles les plus concernés? En l'état, l'étude ne permet pas de le déterminer, elle indique simplement que les résultats sont les plus nets, évidemment dans les grandes régions viticoles, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, Pays de Loire et Grand Est avec la Champagne et l'Alsace. L'étude ne s'est pas penchée non plus sur la nature des pesticides employés ou sur l'impact de la viticulture bio dans la réduction des risques. Ce sera l'objet de prochains travaux. L'INSERM qui rappelle que la leucémie est une maladie rare chez l'enfant. Environ 500 sont diagnostiqués chaque année. Le temps, attention à cette vigilance orange, pluie et inondations sur 4 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault et le Gard. Demain, le temps reste perturbé avec des pluies qui gagnent la région PACA et la Corse sur la façade atlantique et sur le sud-ouest, de la pluie et des orages également. Au petit matin, prévoyez 9 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 au sud. Dans l'après-midi, le mercure affiche 17 à 22 degrés. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Dominique Bourdeaux. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le Coq Sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les 2 demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Bichente Lizarazu, consultant football de Radio France,